Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Artistes à l'œuvre, une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des scènes familières, autant dire des clichés. Michel-Ange constellé de taches de couleur, allongé, endolori et furieux sous la voûte de la chapelle Sixtine. Un peintre de Montmartre est flanqué, peignant d'amour et d'eau fraîche une jeune modèle sous les toits. Ou Picasso, à l'atelier, torse nu, bronzé, en short, affairé et souriant, son pinceau à la main. Mais au-delà des images, il y a des choix, des vies quotidiennes, des rituels ou pas, des écoles, des artistes en devenir, un marché de l'art avec ses cotes, ses stars et ceux qui n'en sont pas, et enfin la question qui hante, celle de la postérité. À moins que ce ne soit celle de ce que le temps qui passe fait à la créativité. Alors pour commencer, les personnages. Des artistes comme une danse macabre, un ressuscité et ses poupées, un dur à cuire dans son fauteuil, un œil à l'humour et l'esprit acéré, un couple qui commence par nager, un ancien assistant encore foudroyé, une conservatrice terrifiée et un vieux collectionneur. Ensuite le décor, des champs d'oliviers comme des tableaux, une piscine, des ateliers, de la peinture pulvérisée, une chambre d'hôpital, des mythes affamés, la mort comme horizon, un grand musée, le bord d'un lit, des toiles dressées et des rétrospectives. Aujourd'hui, 4e épisode, on ouvre les volets de l'atelier. La vie, pour moi, est un grand rêve. La seule réalité, c'est la mort. Ça, c'est implacablement réel. La chance que j'ai, justement, c'est de créer des choses. Mais quand cette chose est là, c'est fantastique, parce que c'est une boule d'énergie. Et cette énergie, je l'ai aussi quand je regarde une œuvre. Une œuvre qui me possède. On dit souvent que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Mais moi, je crois que l'œuvre fait le regardeur. Et moi, quand une œuvre me fait signe, quand elle me possède, je suis en transe. C'est physique. C'est au-delà des mots. J'ai hâte de rentrer pour me mettre au boulot, quoi. Parce que l'œuvre, quand elle est forte, quand je la ressens, elle passe comme ça dans mon corps. Au fond, tout le reste est absurde. Seule la peinture est importante. Elle n'est pas absurde, parce qu'elle m'oblige à agiter tout ce que je peux avoir de créatif, de vivant. Je me rappelle avoir lu une fois dans une interview, puis il disait qu'il se réservait pour les dernières rondes. Quelqu'un lui disait où est-ce qu'il en était dans sa vie, et ça devait être dans les années 70. Et moi, j'ai été témoin des dernières rondes, et ça a été vraiment incroyable, en termes d'énergie, de joie de peindre. C'est une énergie donc qui nous empêche aussi, qui m'empêche de mourir. Qui m'empêche de mourir. Combien de fois j'ai failli mourir ? J'en ai eu des maladies. Et puis bon, des envies de mourir, des envies de suicide, des envies... Mais quand je mets en place cette énergie de création, mais c'est incroyable la force que ça donne pour vivre. Je ne dis pas pour survivre, mais pour vivre. Pour vivre, pour continuer, quoi, pour continuer. C'est un acte de résistance aussi à la mort, oui. C'est un acte de résistance devant la connerie du monde, devant les saloperies du monde. Ça charme le monde, ça, etc., la peinture, l'art. Et c'est une résistance à la mort, oui, sûrement, sûrement. S'il te plaît. Forget me not. L'artiste face à la mort. Ne m'oublie pas. Une énergie nouvelle. S'il te plaît. Ne m'oublie pas. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Non dimenticarmi. Quand le peintre Raphaël mourut, la peinture pouvait bien, elle aussi, mourir. Elle devint presque aveugle quand il ferma les yeux, écrit Giorgio Vasari en 1568. Mais quel pouvoir plus naturel pour un peintre, qui a celui de donner vie aux images inanimées et de faire passer pour mort les vivants. Cette pulsion de vie qui passe de l'artiste à l'œuvre et qui se poursuit de l'œuvre au regardeur n'est pas l'apanage de la jeunesse. Elle devient même plus prégnante avec l'âge. Or, l'histoire de l'art a tendance à négliger les derniers travaux des artistes, classés au rang de simples documents, de témoignages, voire de catastrophes. Que l'on pense aux ultimes autoportraits de Bonnard, aux papiers découpés de Matisse, au minimalisme tardif de Picabia, au nymphéa de Monet que l'on attribua à sa vue déficiente ou au feu d'artifice final d'Hans Hartung, cloué sur son fauteuil roulant auquel la critique refusa de croire. Et si, plutôt que de ressasser leur œuvre ou l'obsession de leur mort prochaine, les artistes puisaient dans la vieillesse une force neuve, originale, libérée des contraintes et des regards critiques. Comme si, à la veille de l'échéance ultime, ils rendaient un hommage à la création, à ce qu'elle leur avait donné de plus fort. Une raison de vivre. Je vous précède. Il y a des systèmes de portes, vous allez voir, intérieur, extérieur. On arrive sur un grand patio. Antibes, Fondation Hans Hartung. Bonjour. Janvier 2018. Là, c'est la chambre d'Arthur Bergman. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y avait pas de circulation intérieure. C'est là, c'est une sorte de fantasme aussi du Sud. Bernard Derderian. Lui était allemand, Anna Ava Bergman était norvégienne. Et donc, ils font la circulation se fait à l'extérieur. Ils étaient quand même relativement âgés quand ils sont installés ici, parce que finalement, ils commencent à y vivre en 73. Hartung est né en 1904, il y a 69, 70 ans. Et ça a l'air comme ça d'une maison faite pour faire de grandes fêtes, alors qu'ils étaient assez solitaires et très. Mais avec, vous voyez, le côté surdimensionné du patio. Il y a la piscine qu'on voit là, qui était à l'époque chauffée toute l'année, à 35, 37 degrés. Ils se baignaient toute l'année. Alors ça, c'était pour eux quelque chose qui faisait partie du rituel quotidien. Ouais. L'atelier, c'est en bas. On est sur un flanc de colline, donc les ateliers sont en contrebas par rapport à la villa. Et Hartung, qui avait perdu une jambe pendant la guerre et qui marchait avec des béquilles jusqu'à l'âge de 82 ans, jusqu'à 86, quand il a eu effectivement un AVC, à marcher en fauteuil roulant. Mais il avait prévu, au moment des plans et de la construction de la maison, une possibilité de plan incliné, qui ont d'ailleurs une certaine beauté, je trouve, qui fonctionne vraiment très bien avec l'esthétique de la maison. Comme je vous montrais dans le living, les fenêtres correspondent à des proportions de tableaux. Il n'y avait pas d'œuvre d'art dans la maison. C'était les fenêtres. Et les murs que vous pouvez voir là, il y a tout un jeu d'ombre d'oliviers, puisqu'on est dans un champ d'oliviers, vraiment. Il y a 250 oliviers, c'était destiné à la culture, donc on continue à produire de l'huile d'olive. Et vous pouvez voir tout ce jeu graphique des ombres projetées, qu'Hartung a beaucoup photographié, et qui était vraiment un élément de l'architecture, c'est comme si c'était des écrans. Les fenêtres sont des ouvertures qui correspondent aux proportions des tableaux et les murs reçoivent tous ces éléments graphiques qui changent évidemment au cours de la journée par les ombres des oliviers et du soleil. Donc là on se dirige vers les ateliers, parce qu'il y a vraiment une séparation entre l'atelier d'Anna Ava Bergman et l'atelier d'Hartung. Si vous voulez jeter un coup d'œil, là en fait... Il y a des travaux qui sont faits sur des futurs aménagements. L'atelier de Ava Bergman se trouve ici. Ah oui. Pierre Descargues avec Hans Hartung. Vous pouvez venir avec moi. 1981. Allez, on entre. Ça, c'est un autre monde. Et voilà l'atelier. Alors, une grande toile. Monsieur Boudou, ça, ce sont les assistants de Hans Hartung, debout devant un champ d'olivier. C'est le nom de la maison, d'ailleurs. Hein? Il y a une grande toile blanche qui est là, sur un tréteau, à plat. Un travail va commencer. Peut-être vous nous dites comment vous travaillez avec trois personnes, Hans. Mmh. Ah, c'est difficile, mais je ne peux pas le dire devant eux. Oui, et ça se passe bien. Ils sont très souriants, en tout cas. Et puis, ils sont gentils. Oui, c'est bien. J'ai rencontré Hartung en décembre 1980. On m'a proposé de venir rencontrer Hartung. J'étais à la fois très intéressé et en même temps, je me disais, tiens, Hartung, il travaille toujours. Quand je suis arrivé, donc pour être assistant, mais je pensais rester 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Alors, je suis parti en 82 et en fait, je pensais d'ailleurs ne plus jamais revenir. Et en 87, c'est Anna Ava Bergman qui m'a dit, ça serait bien de revenir. Qui m'a parlé des problèmes que Hartung était en train de traverser sur le plan de la santé. Et elle m'a dit, en plus, il voudrait faire des tableaux 3 mètres par 5. Voilà, c'était assez triste parce que je vois quelqu'un qui, avant, avait une sorte d'humour très corrosif et là, qui était en fauteuil roulant, qui était très faible, qui était avec un très joli sourire, mais qui était très handicapé. Et là, je me suis dit, mais comment ça va être possible? Et ça a été possible. Thank you. Fromanger, Gérard, artiste peintre. Date de naissance, 6-9-39. Le temps passe et maintenant j'ai 78 ans. Oh, quel chiffre terrible. Oh, 78 ans. Mais quand j'étais enfant, c'était déjà... Oui, quand même, mais pas si souvent que ça que les gens avaient 78 ans. C'était très vieux, vieillard. Et c'est moi. Oh, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Le chiffre est impressionnant. Et puis alors, la deuxième chose qui est impressionnante, relativement récemment, je me regarde dans la glace, je ressemble à mon père. C'est terrible parce qu'il était vieux pour moi. Je ressemble à mon père, j'ai merde, je suis un vieux. Oh, alors je me regarde de moins en moins, je suis obligé pour me raser, comme ça, mais bon. Ensuite, je vais dans le métro, mais c'est radical maintenant, c'est radical. On me donne la place, donc ça se voit à ce point-là. Ça se voit à ce point-là. Ah oui, c'est comme ça la réalité. Oh. Bon, eh ben, tout ça fait que... Vous voyez que ça se rapproche. Alors je me fais des histoires formidables. En moi, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai 20 ans. Je ne me rends pas compte que j'ai 78 ans. Donc, la réalité, c'est-à-dire, tu as une opération grave, cancer du poumon, à 61 ans, 62 ans. Ah là, c'est pas pareil. Tu te dis, merde, alors on va m'enlever un poumon. Donc, je vais respirer moins. Est-ce que ça va suffire de l'enlever? Est-ce que ça va pas continuer dans mon corps et métastases et tout ça? Eh ben, on se pose toutes ces questions, évidemment. Et puis, 61 ans. Bon, j'ai quand même réussi à vivre 61 ans, mais j'aurais bien continué encore 30, 40 ou 50 ans. Même 100 ans. Ça m'irait bien. Ça se passe bien. Je vis encore 10 ans. Et en 2012, tac! Le cœur, infarctus. Ouf. Alors là, encore plus peur. Je dis, bon, alors, 72 ans. Alors là, c'est encore plus proche d'une échéance inévitable, d'une part. D'autre part, le cœur, tu te dis encore davantage, peut-être je vais pas me réveiller. Alors là, bon, il t'ouvre en deux... Paf, ils te sortent ton cœur, ils te font des petites opérations qui débouchent des tuyaux, etc. Ils te disent, tu vas voir, tu te vas être tout neuf. Ah oui, tu vas être tout neuf, d'accord, mais peut-être pas. Enfin bref, c'est ton tour. Et tu te dis, à homme va, à Dieu va. Allons-y. Ah oui. Je travaillais avec une galerie à Cologne, une femme extraordinaire, vraiment elle était très jeune, et on s'accordait très bien, Suzanne Zander. Michel Nedjar. Et quand elle a su que j'étais séropositif, elle a eu un sursaut, elle m'a dit « on va faire une rétrospective de ton travail ». Parce que c'est vrai que quand elle m'a dit ça, il n'y avait pas encore les médicaments, j'étais condamné. Quoi. Je savais que j'étais condamné, mais j'étais prêt, parce que j'ai vu tous mes amis mourir, alors vous savez... J'avais tout préparé, hein, tout préparé pour mourir. Et donc, elle m'a dit, on va faire une rétrospective. Donc, j'ai fait dans 3 musées en Allemagne, à Berlin, à Mannheim, puis je sais plus où, puis une en Hollande, avec tout mon travail. Ça s'appelait, le titre de l'exposition, je l'avais appelé les ongles en deuil. Les ongles en deuil, parce que quand j'étais petit, que je travaillais, j'ai dessiné avec de la terre, j'avais toujours les ongles noirs. Alors, je sais pas si on l'a dit encore, l'expression. Peut-être pas, parce qu'on n'a plus le rapport à la terre, tout ça. Et ce mot m'est revenu. En plus, deuil, ça sonnait avec ce que j'étais en train de vivre, avec la disparition de tous mes amis. C'était incroyable. J'étais presque toutes les semaines au Père-Lachaise. C'était vraiment l'hécatombe, à tel point que je me suis retrouvé tout seul à un moment donné. Et j'ai même voulu me suicider, me jeter, mourir. Vraiment, je cherchais tous les moyens de comment se suicider. je savais qu'en en voyant ces expositions, c'était un peu aussi ma finalité physique, la matière. Et j'allais mourir et je vous ai dit, je m'étais préparé et c'était pas pour moi dramatique en fin de compte, pas pour moi puisque j'ai vu mes meilleurs amis, mes amants mourir. Et j'étais là à côté d'eux, je savais les manifestations, la moindre tache sur le corps, la moindre toux, je savais tout par cœur. Je pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais faire, c'était de, je me suis acharné sur le travail de la peinture. J'ai beaucoup peint, dessiné à cette époque, quoi. J'ai vraiment tous les jours, j'étais là dans l'atelier et il fallait que je m'investisse là-dedans pour ne pas sombrer et être fort. Ça me donnait de la force pour pouvoir être plus fort devant ça, devant cette mort là qui dévorait ses corps comme ça. Je voyais cette force que ça avait, cette maladie, c'est comme une dévoration, comme s'ils avaient 1000 soleils dans le corps, parce que le virus du sida, c'est comme un oursin, c'est comme un soleil. Et je voyais ces millions d'oursins en train de dévorer ce corps. Et là, il fallait que je sois fort pour pouvoir justement être devant l'autre qui mourait, être fort pour lui donner, pas donc de la tragédie, mais lui donner au moins, même pas d'espoir, mais de montrer que j'étais là, que j'étais là pour l'aimer, pour lui tenir la main. Et en plus, je savais qu'ils allaient mourir. Et moi, je regardais ces corps qu'allaient disparaître. Je me souviens, c'est comme si je faisais des photographies du moindre détail du corps. Je regardais leurs cicatrices, leurs mains, leurs cheveux, pour m'en souvenir. C'était des photos que je rentrais en moi, dans ma tête, comme ça, pour me souvenir de leur corps, de leur voix, de leurs cheveux, de leur odeur. Et à tel point que même quand mon ami Pascal est mort, en douce à l'hôpital, j'ai fait des photos de son corps mort. Tous les détails, j'ai pris sa tête, ses cheveux, son sexe, ses pieds, tout. Je voulais tout garder. Oui, pour les garder comme ça en moi, pour les ingurgiter, parce qu'ils sont là, ils sont toujours là, en fin de compte, je vis avec eux, quoi. Ils sont dans la création, ils sont là dans la création. Je sais pas si c'est la poupée ou les dessins, mais ils sont là. Les photos que je couds maintenant, tout ça, oui. Je vais les mettre comme, en fin de compte, comme des icônes ou des reliquaires. Et j'avais été voir quelqu'un pour m'aider, quand même pour en parler, une femme à l'hôpital Saint-Antoine. Et j'allais de temps en temps lui parler de cette souffrance et mon désir de mourir. Et en sortant un jour de cette séance, je suis allé à côté de chez moi, il y avait les buts de Chaumont, je m'assois et j'étais en larmes. Et c'est là que Marc, mon ami actuel, Marc Higuère, est passé, il s'est assis à côté de moi, il m'a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Je lui dis « Non, vous ne pouvez pas m'aider. » Et on a pris un pot, on a été boire une bière et on ne s'est plus quitté. Je lui ai dit « Écoute, je vais mourir. Il me reste un peu d'argent, on va faire le tour du monde. » Donc, j'étais en Australie, en Chine, au Japon, sur les îles, l'île de Pâques, tous ces pays-là, toute l'Amérique du Sud, tout ça. J'avais plus de fric, j'avais tout dépensé, puisque j'allais mourir, je m'en foutais. Et j'arrive de ce voyage, voilà, j'arrive de ce long voyage qui a duré au moins 2 mois. Et mon médecin, c'est là que mon médecin me dit « Monsieur Nidjar, il y a la trithérapie. Vous allez vous en sortir. » J'étais très en colère. Moi, j'avais tout préparé. C'était pas possible. Moi, je voulais mourir. Parce que j'avais tout. Puis, en plus, je lui dis, écoutez, j'ai tout dépensé. Faut recommencer. C'est pas possible. Et c'était aussi douloureux que l'annonce de ma séropositivité. Et là aussi, j'ai été voir quelqu'un pour m'aider, parce que moi, j'étais pas d'accord que j'allais... J'y croyais même pas, d'abord. Et il a fallu que j'assume ce miracle. Et c'était pas facile. Ça a duré au moins 1 an. Voilà le rapport aussi. La mort, la résurrection. Donc, je l'ai vécu dans mon corps. Parfois, on peut même la désirer. Mais alors, les opérations, quand tu te réveilles après 8 heures d'opération une fois, etc. Réveille les salles de réanimation, tout ça. T'es pas loin de la mort. ton corps et ton âme sont en même temps dans un petit instant très fragile. Tu te sens très, très, très fragile. Donc, pas vraiment mort, mais pas vraiment vivant. Donc, et tu as plus tellement la volonté même d'exister. Tu sais pas trop. Bah, je dis que la mort, c'est pas grand-chose. Ça arrive vite. Toc. J'en ai vu mourir dans mes bras. Comme ça, bon, ben voilà. C'est une bougie qui s'éteint. Ah, oh, c'est pas grand-chose. C'est la douleur, c'est terrible. La douleur, ça oui, mais la mort. La mort. Pff. Opération du cœur. Alors, trois jours après, bon, je suis un petit peu moins dans les vapes. Et j'ouvre les yeux et j'ai devant moi une télévision avec des tas de lignes. Rouge, verte, jaune, c'est très beau, avec des chiffres, tout ça, ça bouge et ça correspond à des tas de trucs qui sont attachés à mon corps. Hein, ou des trucs collés, ou des trucs piqués, ou des trucs branchés, etc. Et hop, le résultat, toup, toup, toup, toup, toup, toup, toup, c'est là-haut. Alors si c'est toup, toup, toup, toup, toup, toup, tout ça est marqué là-haut. Bon. Le chirurgien arrive. Avec des étudiants, avec des infirmiers, tout ça. On est l'objet d'études d'un groupe. Alors le chirurgien dit bonjour monsieur, mais il dit bonjour au téléviseur. Bah écoutez, c'est bien. Je pense que toujours en regardant le téléviseur. Je pense que d'ici 3-4 jours, on va pouvoir vous lever. Enfin, vous mettre sur le fauteuil, déjà pour commencer. Bon, bah écoutez, c'est bien. Bah, bon, on continue, allez au suivant, allez, au revoir monsieur, bon courage. Mais moi, il ne m'a pas regardé, c'est extraordinaire. Alors moi, je suis là avec mes drains partout, mes... il dit au revoir au téléviseur. Il dit, ah bon, bah, je suis là-haut, ça. Il restait un infirmier, et je lui dis, monsieur, vous pouvez m'expliquer un peu, qu'est-ce que c'est là dans le téléviseur? J'ai là, fondu avec ma voix de petite mort. Qu'est-ce que c'est là, ça veut dire quoi? Et le mec me dit, oh, vous savez, monsieur, il est charmant, hein, sa blouse blanche, c'est très compliqué. Oh, c'est trop compliqué. Écoutez, je vais vous dire, le cœur fait ce qu'il veut. Oh, alors ça m'a réjoui. J'ai dit d'abord, au revoir, monsieur. Bon, il est parti, mais lui, il me parlait vraiment, sympa. Bon. Il a dit, bon, alors le cœur fait ce qu'il veut. C'est mieux que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est beaucoup plus vivant, c'est net, quoi. C'est, comme on dit aujourd'hui, c'est cash. Cœur fait ce qu'il veut, c'est vrai. Alors, de battre mon cœur, etc. Non, le cœur fait ce qu'il veut. Ben, je l'ai pris comme titre d'une prochaine exposition qui a eu lieu. Et j'ai fait une série de tableaux avec ce qu'il y a sur la télévision, en réinventant, en agrandissant, en romantisant, en esthétisant, je ne sais pas comment on dit, moi. Enfin bref, des grands tableaux avec les rythmes de mon cœur ou d'autres cœurs, avec les couleurs, etc. Et une petite foule au milieu de ces lignes neuves. Personne n'avait peint ce truc-là, ça faisait langage, quoi. C'est chose d'une façon systématique et magnifique, importante, le cœur qui bat. Et... alors, il est dans l'exposition. Voilà. Maintenant, ça il me fait rigoler. Aujourd'hui, on fait des solo shows à Paris Art Fair. Ah, je trouve ça formidable. Alors, je faisais un solo show à Paris Art Fair. Et il y avait les médecins qui passaient. Qui disaient, oh, ben, dites donc, monsieur, je sais pas si c'est vous. Ben, alors, il n'en a pas pour longtemps, celui-là. Sur mes tableaux, devant mes tableaux. C'était génial, c'était formidable. Je dis, ah bon, oui, non, non. Ah bon, d'accord. Enfin bref, ça parlait aux gens, quoi. Et aussi aux spécialistes. Allez, enfin voilà, la mort. Hein, on peut en rire, c'est bien. Journal des infirmières. Nuit du 17 au 18 juillet 1989. Monsieur Hartung se couche assez vite. Se redresse du lit un peu plus tard, très angoissé. Veut aller à l'atelier terminer son tableau de 5 mètres. Voudrait y faire de grands traits. Je le rassure et lui promets de le réveiller tôt demain pour lui permettre de terminer sa toile. Massage à l'épaule droite, où il ressent de violentes douleurs. Rassuré et calmé, se rendort pour toute la nuit. 9h30, réveil. Café au lait. S'énerve pour un rien. Toilette. Se calme. Plus détendu mais très pressé. Demande l'heure toutes les 5 minutes. Pense être en retard à l'atelier. À 11h, déjà dans l'atelier, pour finir la grande toile. Beaucoup de tension, car il fallait une très grande concentration pour réussir. Effectivement, y a la vie quotidienne, les gestes de la vie quotidienne étaient d'une grande lenteur, des difficultés, manger, se déplacer, voyager, parler, alors que l'acte de peindre était d'une extrême rapidité. C'est là, il rejoint la rapidité de l'éclair. Hein, c'était pour lui une anecdote qu'il aimait à rappeler. Alors est-ce que c'était dans sa propre mythologie ou est-ce qu'elle a été réelle, une sorte de cahier d'éclair quand il était enfant? Pour conjurer la peur de l'éclair, il dessinait un éclair et s'il arrivait à le dessiner avant que l'éclair n'explose, ne craque, il savait qu'il était protégé. Et à la fin de sa vie, il retrouve la rapidité de l'éclair et c'est très vivant. J'ai eu des longues périodes où j'étais plus ou moins malade. Alors il y a des mois où je n'ai pas travaillé. Et puis avant, j'ai travaillé comme un fou et pendant quelques mois. Et puis... d'une manière régulière. Quand il a effectivement cet AVC à la fin de 86 et à partir de voilà jusqu'à 89, il n'a plus la possibilité de marcher avec des béquilles, des problèmes d'équilibre, de force même dans les bras. Quelqu'un qui était pourtant très fort du fait de l'handicap et donc qui utilisait sur ses tableaux la force musculaire. Et quand on voit l'atelier, toutes ces projections de peinture que vous voyez, plus son corps sur le plan physique s'est amenuisé, plus le désir de grands espaces au niveau des formats d'étoiles voilà, s'actualiser dans l'atelier. Beaucoup s'étonnent de me voir encore travailler autant. Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. J'ai le sentiment d'un renouveau, comme une force, une nouvelle jeunesse qui me sont accordées. Et surtout le besoin de faire de grandes toiles. Dans l'art abstrait, le geste de peindre doit avoir la dimension qui correspond à son essence. Voilà pourquoi il faut peindre en grand ce qui est pensé en grand. Voilà pourquoi cela m'agace tellement d'être physiquement empêché de peindre des tableaux aussi grands que je les voudrais. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était mort plusieurs fois, d'ailleurs, parce que, alors, je sais pas si c'était des mini AVC ou je sais pas quoi, mais où il était incapable, le médecin venait, même le notaire est venu plusieurs fois, comme si les choses étaient terminées. Et puis, l'après-midi, d'un coup, il avait envie de descendre. On recevait un coup de téléphone. Il faudrait descendre à l'atelier. Et hop, ça repartait. Et parfois, les médecins qu'il avait vus le matin ne pouvaient pas croire que l'après-midi, quand il revenait, on leur montrait les tableaux qu'il avait fait, mais ont eu de sérieux doutes nous concernant. Et on peut le comprendre, parce qu'on a été témoin nous-mêmes de quelqu'un, on allait le voir dans sa chambre, et on avait l'impression, ça y est, c'était fini, quoi. De loin, on voit déjà un tout petit peu la fin de la vie s'approcher. Et on veut s'exprimer jusque-là, travailler jusque-là, au maximum de ses possibilités. La mort en soi me paraît peu désirable, mais je crains surtout qu'elle ne survienne avant que j'aie eu le temps de dire, d'exprimer tout ce que je sens. L'art me paraît un moyen de vaincre la mort. Autoportrait, Hans Hartung. On avait l'impression d'assister à une sorte de miracle, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui est... Voilà, la vie est tellement dure. Et d'un coup, vous voyez jaillir une sorte de fleur colorée, de feu d'artifice. Voilà, émotionnellement, moi j'étais jeune. Et oui, pour quelqu'un de jeune, regarder quelqu'un dans cet état produire ce qu'il produit, ah, c'est magique. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Alors, on va mettre le chant des poupées. Alors, quand j'ai de la visite, je mets le chant des oiseaux. Et c'est comme si que c'était les poupées qui accueillaient le visiteur. Donc c'est aussi le chant des poupées. Voilà, elles sont petites, hein. Voilà. Voilà les poupées de Pourim. Et voilà, je couds le carton, je couds le papier. Tout est possible de coudre, bien sûr, par les choses dures. Ça a été un grand plaisir de faire ces poupées de Pourim. J'avais les larmes aux yeux, dans la fabrication, dans la confection de ces poupées, dans cette fragilité, parce que je retrouvais la sensation que j'éprouvais quand je faisais des poupées quand j'étais enfant. Certaines fois, quand j'étais gosse et que je faisais la poupée, une fois que j'avais fini de faire la poupée, je l'enterrais. Et longtemps après, je la déterrais. Mais certaines fois, je ne retrouvais plus l'endroit où je l'avais enterrée. Mais quand je la retrouvais, quand je la déterrais, il y avait un tel bonheur de la retrouver déjà, et aussi une fascination de la matière, parce que la poupée a bien sûr avait changé. Elle était moisie, pourrie, salie, noircie, et ça pour moi c'était un grand bonheur, de une grande sensation. C'est là, ouais, c'est extraordinaire parce que ouais, j'avais une sensation déjà de la métamorphose de la matière. Et ça c'était vraiment un très grand bonheur de la voir comme ça. Je sais que la poupée, même la poupée le jouet, oh, comment vous dire ça, c'est tellement, c'est la vie, ça représente l'humain, mais ça représente presque aussi l'idole. Elle est aussi du royaume des morts. Et là, il y a quelque chose avec la mort, j'en suis sûr, mais je peux pas l'analyser ni le théoriser, c'est au-delà de ça pour moi. Il faut pas oublier que je suis un petit-fils de chiffonnière. Ma grand-mère travaillait au marché aux puces. Elle vendait des vieux vêtements, ce qu'on appelle en yiddish le shmates. Et avec le temps, j'ai travaillé longtemps avec elle, au moins 20 ans. Je l'aidais au marché aux puces. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle m'a transmis sa passion du vieux vêtement, et aussi elle faisait de la brocante. Et tout ça, je me suis rendu compte que même, je pense que ma judaïté est là, qu'elle m'a transmis la judaïté par le vieux vêtement, donc le shmates. Parce que je suis pas du tout pratiquant, je suis pas du tout, j'ai pas été élevé dans la religion, dans l'orthodoxie, mais ma grand-mère m'a transmis quelque chose presque du chant du ghetto, du chantier du ghetto. Et ça, je l'ai senti dans ma création, mais longtemps, longtemps après. Et mon père, lui, était tailleur. Et je me souviens, j'étais souvent dans l'atelier de mon père. Et mon dernier travail, ce que j'appelle les coudrages, c'est aussi une transmission de mon métier de tailleur. C'est une histoire familiale, heureuse et tragique en même temps. En 1961, ma mère nous appelle, on est sept enfants dans la famille, nous appelle pour voir Nuit et brouillard. J'avais 14 ans. J'avais entendu des récits sur la déportation et sur les camps, parce que j'ai eu deux tantes. Elles ont raconté leur expérience des camps. J'étais tout petit et j'entendais les mots. Mais l'impact des images de Nuit au brouillard m'ont complètement déchiré. On voit dans le film une benne pousser des morts, des cadavres dans la fosse. Et là, moi je suis tombé dans la fosse avec tous ces cadavres. Et c'est là qu'a commencé, je pense, parce que j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, le double. Le Michel Nejjar, le social, celui qui peut vous parler, et l'autre, presque un cadavre. Et je pense que c'est ce cadavre-là qui me fait créer, qui m'a fait créer. J'ai dû m'en sortir. Il fallait que je m'en sorte de cette fosse. C'est pas que j'ai dû, il fallait que je me sorte de cette fosse. Et la création m'a beaucoup aidé. Je disais pas que je créais, je disais j'exhumais. J'exhumais cette douleur, cette terreur et cette peur. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit « Mais t'en as pas marre de faire des poupées ?» Et je lui ai répondu « S'il n'y avait pas eu la poupée, je serais mort ou je serais en hôpital psychiatrique. Mais la poupée m'a sauvé et pourquoi la quitter ?» Et la poupée me donne une telle joie maintenant, un tel bonheur dans la fabrication que pour moi, la poupée, c'est le miracle de la vie. Alors, j'avais fait un tableau, par exemple, la mort. La mort. J'ai fait un tableau de 10 mètres, enfin 9 mètres 20, je crois. Et j'avais fait une série sur les grands thèmes de la peinture. Paysages, nature morte, etc. Portraits, pour voir comment aujourd'hui on peut renouveler ces vieux thèmes avec un langage neuf. Le thème, il est éternel, mais le langage, non. Le langage, il se renouvelle. Pour rafraîchir tous ces thèmes, pour les regarder, et pas comme des vieilles choses, mais comme des choses d'aujourd'hui. Nature morte. Mon père meurt. Je l'avais pas vu depuis des années et des années. Il meurt, 95 ans, il meurt. Alors, en même temps, ça me fait du bien, parce que je me dis que moi aussi, peut-être je vais tenir. Ma maman, elle est morte à 98 ans, mon père à 95. Je me dis, peut-être je vais tenir jusque-là. Bon, j'ai quelques blessures, mais... Bref, il faut que j'exorcise ça. Alors comment en peintre, je peux parler de la mort de mon père, enfin de la mort. Alors je me suis dit, j'ai mes pères. Mes pères, P-A-I-R-S. J'ai mes pères. Ça, tiens, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée, ça. Alors, j'ai collectionné, sur donc, mettons, 10 mètres de long, les noms. J'en ai pris 100 par siècle. Alors, 6 siècles. Ça commence en 1200, 1220 à Pise, la peinture. C'était deux frères. Pisani, sculpteur, peintre, tout ça. Ils inventent tout ça. Bon. Jusqu'à nos jours, je prends tous les morts. J'en sélectionne 100 par siècle. Un par an, disons, grosso modo. Et je les écris. Alors, le langage, ben, je fais comme le mur de Washington sur les morts du Vietnam. Je fais mon tableau de 10 mètres, c'est le mur du Vietnam pour la mort de mes pères, pour nature morte. Au lieu de peindre un pot comme Cézanne avec trois pommes et un chiffon, un compotier ou je sais pas, ou un bouquet de fleurs voilà, qui s'appelle nature morte, moi, nature morte, c'est ça. C'est mes pères qui sont disparus. Qu'est-ce que ça fait sur un tableau comme ça? Sur un hommage, hein. Et alors, en lettres blanches, sur fond noir, il y a ces 660, ces 650 mots. Mots qui sont des fleurs. Alors, c'est intéressant pour moi de peindre la contradiction entre la mort et la vie. C'est-à-dire le corps mort, mais l'âme, chez nous, vivant. Quand tu écris Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, les frères Lorenzetti, Michel-Ange, Fra Angeli, etc., etc. Tu écris tout ça. C'est vrai, ce sont des fleurs. Ça parle à notre imagination. Ils sont là. Ils ont fait et laissé quelque chose qui me fait aimer la vie, et qui est plus intéressante que l'art. Mais grâce à l'art, je peux aimer la vie encore. Grâce à, alors, c'est une nature morte, ils sont là. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que la moitié, jamais entendu parler, et la moitié de grandes carrières. Ce sont des gens qui ont rempli des palais, des chapelles, des églises, des cathédrales, des colonnades, des places, etc. C'est des fresques, des immenses carrières, des gens, vraiment. Pas déjà là? Bon, alors, ils sont 660 dans mon tableau, dans mon mur du Vietnam. Et j'en connais que 300. C'est dingue. Donc la postérité... Une sorte de pirate avec la souplesse et la force de Bernard Derderian. Et les séances de travail dans l'atelier étaient, au début des années 80, quand je l'ai rencontré, très, très physiques. Je le voyais comme une sorte de maître de kendo, c'est-à-dire qu'il utilisait des grands balais de genêt qu'on allait d'ailleurs chercher dans le jardin pour faire avec le jeûner pour faire des grands balais que vous pouvez voir là dans l'atelier. Et on se mettait derrière les tableaux à deux. Derrière la toile, on montait des plaques d'isorel et lui tapait à grands coups de balais de jeûner sur la toile. Donc c'était une période très physique. Hein. Et en 86, donc moi je reviens en début 87 et là je le rencontre et je le vois en fauteuil roulant parce qu'il a eu cet AVC, il est plus capable effectivement de marcher avec des béquilles et là il a une grande faiblesse physique et je vais vous montrer le film où on le voit hein, puisqu'on a dû à un moment donné faire ces films pour montrer comment il travaillait parce que ça crée un doute, comment faire un tableau aussi grand quand on est cloué dans un fauteuil et donner ce sentiment d'énergie donc l'impossibilité de prendre des balais de jeûner, de prendre même des pinceaux ordinaires, hein, même de, tout ce que vous pouvez voir ici, il ne pouvait plus utiliser et il va utiliser à ce moment-là ce genre de pulvérisateur dont on se sert dans les jardins. Et donc, on préparait des batteries de ce type de pulvérisateur. Mais vous voyez, ça n'a aucun poids. Si vous le prenez, c'est rien. Et donc, il va revenir à une pratique sur les trois dernières années de sa vie, très proche de ce qu'il faisait quand il était jeune, qu'il avait 20 ans et qu'il était en pleine forme physique, de petits dessins, de lignes qui font la marque de ses premières œuvres abstraites, hein, parce que Hartung commence à être un artiste abstrait en 1922 par des séries d'aquarelles colorées, mais de petits formats. Les dernières années de sa vie, par l'utilisation de ses outils, vont être une sorte de, non pas de cercle, mais de spirale. Il va revenir à des pratiques qui ont été le début de son abstraction, par l'utilisation très spectaculaire d'outils qui lui permettent de faire des tableaux jusqu'à 3 mètres par 5, ce qu'il n'avait jamais fait avant d'avoir ce grand problème physique. Et peut-être que l'activité artistique est un des rares champs qui permet à un être humain d'exprimer la réalité de ce qu'il est. Hein, c'est-à-dire, on l'a pas mis, il est pas resté dans un coin, dans une maison de retraite, à attendre l'heure du repas. Non, il voulait venir plus que jamais à l'atelier. La dernière année de sa vie, il a produit 360 tableaux, et vous voyez le type de format. Il était tellement heureux de peindre qu'il peignait l'après-midi, mais il voulait venir le matin aussi. Et c'est nous qui n'avions pas le temps de monter l'étoile. Donc des fois, il venait là, il s'installait dans l'atelier, il nous regardait monter l'étoile. Là, par exemple. Ça, c'est la dernière période. Oui. La dernière. Alors. Oui, je vais vous montrer ça. Ça, c'est 85. Je vous le montre parce qu'en fait. Il faut encore de la force physique pour faire ça. Il a peint, à un moment donné, quand il s'est lassé d'utiliser les jeûners, d'avoir ce... histoire de se mettre au défi, voilà, c'est une tyrolienne. C'est un instrument qu'utilisaient les maçons dans les années 60-70 pour faire ces merveilleux crépis bien épais. Donc quand on est maçon, on fait un crépi. Et quand on est Hartung, on fait un tableau, comme vous voyez là, qui est assez incroyable, parce que c'est, y a rien de plus archaïque, je crois, dans l'acte de peindre que d'utiliser un outil de ce type. C'est juste de la peinture projetée. Mais si vous le regardez, je sais pas, mais on a plutôt l'impression d'une sorte d'effet photographique Google Earth, puisque par-dessus, il a réutilisé un coup de spray. Donc on a l'impression, effectivement, d'une profondeur, de tout ce qui caractérise la peinture européenne, depuis la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a la profondeur de champ. Donc c'est une sorte d'espace illusionniste, en fait, hein. Je crois qu'on est là tout simplement dans une espèce d'émotivité psychique plutôt, qui me paraît plutôt être la fureur qu'autre chose. Enfin. Mais toujours quand on dit c'est ceci ou c'est cela, c'est toujours un peu, en même temps c'est faux. Oui, ce n'est pas uniquement ça. J'ai eu un jour la visite de Daniel Cordier, le grand collectionneur, envoyé par Jean Dubuffet. Il faisait une grande donation à Beaubourg de ses œuvres, de sa collection. Et je me souviens, il était venu me voir à Belleville. J'avais même pas une chaise pour le faire asseoir. Il s'est assis sur mon lit parce que j'avais tout envahi de poupées, tout ça. Là, il m'a dit, voilà, je choisis les 30. Et 15 jours après, le centre Georges Pompidou est venu chercher les poupées. Les œuvres descendent dans la remise au sous-sol. Quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de Monsieur Abadi qui me dit « Monsieur Nidja, écoutez, on a un problème avec vos poupées, on ne sait pas comment les accrocher et le commissaire a beaucoup de mal avec vos poupées. » Et puis il appelle le commissaire qui était une femme, elle était charmante aussi et très angoissée avec mon travail. Et puis « Ah, Monsieur Nidja, je ne peux pas. » J'ai dit « Vous ne pouvez pas quoi ? Je ne peux pas les accrocher. » Et elle qui est en train de gémir derrière moi, elle me dit « Non, c'est pas possible, je peux pas les toucher, c'est affreux. » Elle me dit « Eh ben, dans vos poupées, il y a des mythes. Et je sais vraiment pas quoi faire, parce qu'à côté, il y a Picasso, il y a le renard de Marc Ernst, il y a pas de choses. » Et moi, dans un coup, dans ma tête, je me suis dit « C'est extraordinaire, les poupées vont bouffer tous ces chefs-d'œuvre. » Elle était vraiment affolée. Elle hurlait comme ça. Je dis, mais écoutez, calmez-vous. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Mais dans ma tête, d'un seul coup, je m'étais fait tout un scénario. Et je me dis, c'est génial, en fin de compte. Je me disais, mes poupées, en fin de compte, elles vont tout bouffer. Et d'un seul coup, elle pousse un cri. Elle dit, j'ai une idée. On va les gazer. Silence. Le mot gazer dans mes oreilles. Ça m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai eu la réponse instantanée de lui dire « Mais je crois que ça a déjà été fait. » Mais quelques mois encore après, la donation de Daniel Cordier, il y a un nouveau musée qui s'ouvre dans le Sud et la moitié de la collection de Daniel Cordier va aller dans ce musée. Donc elle m'annonce que mes poupées vont être déportées, mais là c'est moi qui le dis, hein, déportées dans ce musée. Et le nom du musée s'appelle les abattoirs. Elle me dit, c'est les abattoirs. Ah, ben, je dis, ben, ça continue. Mais pour la finalité, je dis, faudrait que je m'inquiète quand même des mythes. Dans mon atelier, j'ai trouvé j'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais là, il faut que je le dise parce que c'est extraordinaire dans l'histoire, la suite. Le produit que j'ai trouvé s'appelle Capot. Et je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Et vous, Gérard Fromanger, votre œuvre, après vous, cette postérité, vos tableaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Eh ben, je suis mort depuis 10 ans. Donc je vois bien ce qu'ils deviennent. En 10 années, j'ai dû avoir les 10 dernières années. Oh, oui, c'est extraordinaire. Au moins 10 rétrospectives, au moins. Je regarde tout ça. Et après, dans 20 ans, je ne sais pas si je serai encore là. Donc je ne peux pas vous dire, puisque peut-être je serai plus là. Je ne sais pas, et je vais vous dire, c'est pas vraiment mon problème. Alors, il y a des gens qui se font un musée à leur nom, c'est une sorte de mausolée. Soulages ici, Ray Bérol là-bas, tout ça. C'est bien, c'est très bien, ça fait vivre l'œuvre. Moi, comme ça, intuitivement, je préfère qu'il y en ait dans plusieurs endroits. Je préfère qu'il y en ait un à Romorantin, trois, non, il y en a une trentaine à Beaubourg, quatre ou cinq par là au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Alors peut-être je vais en donner d'autres, sans doute même, dans les musées qui m'ont exposé, qui m'ont aidé, qui m'ont, etc. Puis il y en aura quelques-uns pour les gens qui me survivent et qui auront besoin d'un peu d'argent, comme ça. C'est possible, c'est possible. Si ça vaut encore quelque chose, j'en sais rien, on sait pas. Ils sont montés au sommet des églises, ils ont chanté les messes de l'amour, ils ont montré le singe qu'on déguise, ils ont été les premiers troubadours, les artistes. Ils ont écrit des poèmes sublimes, ils ont tracé les ombres des jardins, ils ont créé toutes les pantomimes, en ignorant qu'ils faisaient d'Arlequin un artiste. « Oh mon ami, mon camarade, prends tes couleurs, dompte le fer. Voici la pierre, voici l'estrade, montre-nous ce que tu sais faire. Pour 3 pistoles, il faisait 3 comptines, et pour l'amour, il travaillait le bois, qui dans leurs mains devenait mandoline, et mandoline chantait sous les doigts des artistes. Ils ont dansé sur la place publique, et s'ils sont morts bien loin du Panthéon, ils ont pour nous inventé la musique, et ça vaut bien qu'on vénère le nom des artistes. » Alors, on continue à se baigner jusqu'à fin novembre tous les jours, et il continuait à peindre tous les jours. Et puis, à un moment donné, il a pris froid, il est resté plusieurs jours couché, sans avoir envie ni la force de se lever. Mais nous, on continue à monter les toiles, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs épisodes dans les dernières années où d'un coup, il avait comme ça des coups de grande fatigue, et on savait qu'il allait revenir. Puis voilà, puis on s'est dit, il va recommencer à peindre. Et en fait, une nuit, il est mort, très calmement. Et le matin, on était voilà, un peu en état de choc, en se disant, mais on avait préparé les tableaux, il ne va pas venir les faire. Ouais. Les œuvres d'art témoignent pour l'humanité. Ces messages ont pour eux d'être universels, de traverser les temps sans en subir l'usure. Ils sont des défis au néant. Un mot auquel je ne veux, ni ne peux croire. Heureusement, rien ne me prouve que la mort soit la fin de la conscience du noyau humain. Je peux m'imaginer, et l'espoir m'y pousse, que la spiritualité de l'homme, une fois émise dans ce monde, persiste et rayonne pour toujours. L'essence de Dieu nous est absolument inconnue. Il nous est donc permis de croire que rien ne se perd totalement, mais que tout reste inscrit dans le centre de cette énergie mystérieuse qui régit le monde. Je crois que tous nos actes, nos pensées, nos désirs restent dans la conscience universelle. Autoportrait, Hans Hartung. Comme il avait ce désir assez tôt, des années 60, de faire une fondation avec l'idée qu'un lieu représente la totalité de son œuvre, faisait très attention à conserver ce qu'il estimait être les pièces majeures qui devaient constituer la future collection. Il était même en situation de racheter parfois des œuvres anciennes qu'il avait dû vendre dans les années 30 ou immédiates après-guerre. Alors, à certains moments, il prévoyait de racheter certaines œuvres qui se passaient en vente publique. Et alors, c'était très amusant parce que il prévoyait avec son banquier de débloquer une certaine somme. Et il était à la fois fou de rage quand l'œuvre lui passait sous le nez parce qu'elle avait fait un prix qui avait dépassé ce qu'il avait prévu. Et en même temps, il était très fier de se dire, tiens, les prix augmentent. Et stratégiquement, d'ailleurs, des fois on se dit c'est un peu dommage parce qu'effectivement, quand moi j'ai été témoin de scènes où des conservateurs de musées internationaux venaient et où on faisait une sélection et on ne montrait pas du tout la réalité de la production qu'il avait eue quelques temps avant. Et pourquoi ? Parce que Hartung, dans une sorte de protection excessive, avait peur que les gens veuillent certains tableaux que lui voulait garder. Des tableaux qui sont inachevés volontairement, une quantité importante. On a l'impression que c'est une sorte de paquet cadeau pour les générations futures. Il les a pas détruits, c'était là pour être étudié plus tard. Donc il y avait cette conscience que ces œuvres qui n'avaient pas de répercussions sur le plan commercial dans les années 30, hein, aucune, avaient une valeur. Il y a cru, il y croyait, donc il y avait une sorte de force et d'ego. Et c'est pour ça que la fin de la vie a peut-être à voir avec cet abandon. La seule chose qui me donne cette urgence, c'est l'idée du catalogue raisonné, d'un peu mettre un peu d'ordre dans tout ça, retrouver ici et là des œuvres, des choses, préparer pour, si je m'en vais, que ce soit pas n'importe quoi, n'importe où, que ça aide ceux qui veulent s'en occuper, parce qu'il y aura des gens qui vont s'en occuper, c'est sûr. Donc, je pense, c'est tragique d'ailleurs, parce que le nombre de copains qui sont morts dont tout le monde se fout, oh, c'est terrible. Des vies de peintres. Alors, il reste les veuves, les épouses, qui cherchent partout des moyens de faire une expo de leur mari, de leur compagnon, qu'elles ont aimé pendant 20, 30, 40, 50 ans, qui est mort, et tout le monde s'en fout. Oh, alors, vous comprenez. La réputation, la femme, la comment ça dit tout à l'heure ? La postérité, tout ça. Oui, oui, mais face au cosmos et à l'avenir du monde, c'est pas grand-chose. Par contre, hier, de mon vivant, avoir conscience que j'ai donné un petit quelque chose qui fait que, comme on dit chez nous, comment ils disent les sportifs, dans notre jargon, j'ai fait histoire un petit peu, très modestement, mais un petit peu. Ah, ça fait plaisir parce que tant d'efforts, tant de travail, tant de passion, tant de rêves, tant d'illusions, tant de folies, tant de coups de pinceau, ben oui, t'es un peu gratifié, récompensé par l'idée que voilà. S'il te plaît, ne meurs pas. L'artiste face à la mort. Non. Une énergie nouvelle. S'il te plaît. Avec Michel Nedjar. S'il te plaît. Non. Gérard Fromanger. Tant ne meurs. Ne meurs pas. Et Bernard Derderion. Non morire. Tant die. Archivina. Ne meurs pas. Sandra Escamez. S'il te plaît, ne meurs pas. Per favore. Prise de son, Yann Fressy. Ne meurs. Mixage. Ne meurs pas. Alain Joubert. Non morire. Non. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy. Non. Réalisé. Non. Par Anna Schmuck. Ne meurs pas. Je t'aime. Plasticien, peintre du dimanche, vidéaste, sculpteur et collectionneur, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour faire un dernier dessin, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la rétrospective ou nous réécouter au cimetière, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, on ira réentendre l'histoire de quatre femmes scientifiques. Mais pendant encore deux semaines, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur Notre Partenaire, le film Photographic Memory de Ross McKelvie, qui fait le portrait d'un photographe. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.